بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، mes frères bien-aimés, qu'Allah Azza wa Jal nous comble tous de ses bienfaits, qu'il nous facilite la droiture et les causes de cette dernière. De par la grâce d'Allah Azza wa Jal et son soutien et sa facilité, nous poursuivons les cours de cette soirée qui sont des cours de Tawhid, à travers lesquels nous sommes actuellement en train de citer les noms d'Allah Azza wa Jal et quelques-uns de leurs enseignements. Et si Allah nous permet et nous accorde sa grâce, nous espérons clôturer l'étude de ce nom en citant les quatre derniers points concernant comment adorer Allah Azza wa Jal à travers ce nom, ou bien quels sont les fruits de l'adoration d'Allah Azza wa Jal à travers ce nom. C'est donc auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'implore succès, rectitude et droiture dans ce qui va être dit. Et je l'implore subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ses propos soient corrects et convenables, et qu'il affecte le cœur de celui qui les prononce et les cœurs de ceux qui l'entendent. Amin. Donc, mes frères, là, nous avons cité jusqu'à présent six points parmi comment doit adorer le serviteur son Seigneur à travers ce noble nom Al-Latif, le subtil subhanahu wa ta'ala. Et vu que ces cours sont une succession de cours, et vu que certains éléments que nous avons cités ne peuvent pas se résumer en quelques mots, donc voilà pourquoi je ne peux pas répéter à chaque fois tout ce que nous avons cité précédemment. De ce fait, il est considéré que ce que nous avons précédemment dit, vous le savez, vous l'avez compris, et bien sûr, vous vous en rappelez. Donc, chose qui sort de mes capacités à moi, donc c'est à vous de faire cet effort-là. Si vous avez fait cet effort, Inch'Allah, vous aurez la capacité de mieux suivre ce qui va être cité maintenant, et vous ferez le lien, Inch'Allah, Azza wa Jal. Sinon, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la facilité. Le cinquième point, parmi les fruits de l'adoration d'Allah Azza wa Jal à travers son nom Al-Latif, c'est le fait que tu penses toujours du bien de ton Seigneur, le subtil. Que tu penses toujours du bien de ton Seigneur, lui qui est le subtil. Que tu espères le bien de lui, sans jamais rompre ton espoir. Que tu restes attaché à lui sans désespérer de sa miséricorde, ni perdre espoir en sa grâce, ni te lasser de l'invoquer. Convaincu qu'il dirige les affaires avec science, sagesse et miséricorde, dont tu jouiras. Même si les choses semblent au premier abord se dérouler à l'encontre de tes souhaits, voire en apparence contraires à ton intérêt. En effet, mes frères, Allah Azza wa Jal, encore une fois, pour bien comprendre le sens de ce qu'il dit, il faut se rappeler le sens du nom d'Allah Azza wa Jal, le subtil. Le subtil, c'est celui qui te fait parvenir, entre autres, c'est celui qui te fait parvenir ses bienfaits de manière subtile, une apparence cachée, secrète, peut-être couverte par ce qui te fait croire que tu vas subir l'opposé. Les subtilités des bienfaits d'Allah Azza wa Jal peuvent te venir alors que tu n'as même pas conscience. de cette subtilité des choses qui sont mises en place pour que te viennent, t'arrivent, te touchent, arrivent à toi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Donc, sur cela, et également nous avons dit que la subtilité d'Allah Azza wa Jal dans ses bienfaits est basée sur la science, sa science et sa sagesse, et aussi sur sa bonté. Voilà pourquoi, pour tous ces éléments, le serviteur d'Allah Azza wa Jal, celui qui croit en ce nom, celui qui veut adorer Allah Azza wa Jal à travers ce nom, il doit penser toujours du bien de son Seigneur. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il subit une difficulté, il subit une perte, il est dans une situation un peu délicate, qui dit « Non, ça y est, je vais tout perdre. Je suis dans la perdition, je suis dans l'anéantissement. » Non, rappelle-toi que des fois, Allah Azza wa Jal te fait parvenir un bienfait que tu, de manière apparente, tu fais la cause et Allah te donne le résultat. Et des fois, tu ne fais même pas la cause et Allah Azza wa Jal veut te faire parvenir la chose. Et des fois, Allah Azza wa Jal met des embûches sur ton chemin, met des complications dans ton chemin. Et à la finale, malgré tout cela, tu arrives à bon escient. Tu arrives à avoir le bienfait que tu souhaitais. Donc, il faut toujours penser le bien de ton Seigneur, lui qui est subtil. Encore une fois, quel que soit ce que tu vis, que tu espères le bien de lui sans jamais rompre ton espoir et que tu restes attaché à lui sans désespérer de sa miséricorde. Toujours, encore et toujours, tu restes attaché à lui et tu ne désespères pas de lui. Encore une fois, même si le monde entier était contre toi, même si toutes les conditions venaient à s'acharner contre toi, comme aurait dit l'autre. Et tu ne dois pas perdre espoir en sa grâce, ni te lasser de l'invoquer. Pourquoi ? Parce que tu as confiance en lui, tu as espoir en lui, tu crois en lui, et tu sais que tout est entre ses mains. Alors tu l'invoques. Tu n'as de cesse, tu ne t'arrêtes pas, tu ne te lasses pas, tu ne te détournes pas de l'invoquer, encore et toujours et indéfiniment. Et ne dis pas, ça fait 3 ans que je fais la même invocation et ça, rien n'a changé. Peut-être que, comme nous avons dit la fois passée, peut-être que cette subtilité va venir à la longue, avec un long terme. Donc, n'arrête pas. Continue à invoquer. Et comme nous verrons dans quelques instants, Inch'Allah, comme l'a fait Yaqub alayhi salam. Ajib, l'histoire de Yusuf alayhi salam, c'est une histoire vraiment merveilleuse. Et vous le savez tous. Et tous on le dit, on le voit, et tout le monde le dit, il le voit. Parce que c'est une histoire tellement merveilleuse qu'elle prend les cœurs des gens et leur esprit. Et parmi ces merveilles dans cette histoire, nous avons cité plusieurs fois dans ce cours cette histoire de l'angle de vue de Yusuf alayhi salam. Mais il y a également l'angle de vue de son père. Un père qui perd un fils, son fils chéri, le meilleur, le privilégié, le plus aimé auprès de lui. Il le perd alors qu'il était faible, alors qu'il avait peur pour lui. Et il est parti avec ses frères et ses frères sont revenus sans lui. Était-il mort ? Le loup l'avait mangé ? Qu'a-t-on fait de lui ? Il ne savait pas. Aucune nouvelle, ni un corps pour pleurer sur lui, ni une information pour savoir et être apaisé. Et malgré cela, il est resté des dizaines et des dizaines d'années sans jamais perdre espoir. La tristesse, vous la connaissez tous, au point où il a perdu la vue tellement il pleurait pour son fils. Mais malgré cela, il n'a pas désespéré de la miséricorde d'Allah. Et lui-même a dit, celui qui désespère de la miséricorde d'Allah, ce n'est que le peuple mécréant. Donc, ne jamais te lasser d'invoquer Allah Azza wa Jal. Convaincu en tout cela, convaincu qu'Allah Azza wa Jal dirige les affaires, toutes choses, de la feu qui tombe de l'arbre, de la goutte qui tombe des nuages, que du vent qui souffle, de des animaux, des insectes qui bougent, de tout ce qui te touche, la maladie, la richesse, les interactions avec les gens, tout ça est géré et administré par Allah. Non seulement est géré et administré par Allah, mais il est géré et administré par Allah sur la base de trois éléments, trois principes fondamentaux et capitaux. Et tous reviennent à ton profit. Allah Azzawajal gère tout cela par science. Il sait tout ce qu'il y a à savoir. Il agit dans cela avec sagesse. Donc il y a la science, il y a la sagesse et il y a la miséricorde. Donc toutes ces choses, tout ce qui se passe dans l'existence, Allah Azzawajal le gère. C'est lui qui le gère, rien autre que lui. Il le gère avec science. Il sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, comment réaliser de bien de un tel au bon moment, dans les bonnes circonstances, avec sagesse et avec miséricorde. Cela veut dire que ce que tu vis, quel qu'il soit, si il y a la condition qu'on va citer dans le dernier de ces points, s'il y a cette condition, tout ce qui est géré par Allah Azzawajal finira pour être utile, par être utile et profitable pour toi. Donc ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Donc convaincu qu'il dirige les affaires avec science, sagesse et miséricorde, dont tu jouiras. C'est toi qui profiteras de cela, et car Allah Azzawajal gère et administre les choses pour ton bien, ô toi son serviteur. Et ce, même si les choses semblent au premier abord se dérouler à l'encontre de tes souhaits. Toi, tu veux blanc, mais tu vois noir. Pourquoi? Toi, tu veux droite, mais tu vois gauche. Pourquoi? Toi, tu veux simple, mais tu te vois compliqué. Maliche. Cela ne fait rien. Garde espoir et confiance. Accroche-toi. Persévère dans la bonne pensée de ton Seigneur et les invocations. Et sois sûr qu'il ait voulu ton bien. Quel bien? Allah le sait mieux que toi. Alors laisse-toi guider par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si les choses semblent au premier abord se dérouler à l'encontre de tes souhaits, voire en apparence contraires à tes intérêts. Et nous n'avons de cesse de rappeler l'histoire des, au moins, les trois événements de la vie de trois prophètes et messagers d'Allah, alayhim salatu salam. Moussa, alayhi salam, avec le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés jusqu'à la mer Rouge. Et Pharaon, avec son armée, était derrière eux et la mer devant eux. Les gens ont dit, ça y est, en effet, on est cuit. Moussa, alayhi salam, avec la fermeté du croyant, a dit, qu'Allah, certes non. Inna ma'i Rabbi sayhdin, mon Seigneur est certes avec moi, il me guidera. Qui est-ce qui aurait pu avoir espoir à ce moment-ci? Qui? Ibrahim alayhi salam, il fut catapulté pour être jeté dans un incendie, dans un feu ardent. Tellement il était fort, les gens ne pouvaient pas se rapprocher, le jeter dans le feu. Ils ont dû le catapulter pour ne pas se brûler eux-mêmes. Une fois dans les airs, en train de voler d'être projeté vers le feu, il a gardé espoir en son Seigneur. L'ange Gabriel est venu lui dire, as-tu besoin de moi? Il lui a dit, toi, non, j'ai pas besoin de toi. Mais mon Seigneur, oui, j'ai besoin de lui. Allah a fait ce que personne ne peut imaginer, ne peut penser. Allah a dit au feu, ô feu, sois fraîcheur et douceur pour Ibrahim. Fraîcheur, froid. Mais pas froid au glacial, non, douceur pour Ibrahim. Il est tombé dans le feu comme s'il était tombé dans un paradis. Alayhi salat, alayhi salat, salam. Notre prophète Mohammed, alayhi salat, plusieurs fois, il vécut la même chose. Il était, encore une fois, à la Mecque. Dans un état de faiblesse inimaginable et impensable. Au point où les musulmans avaient peur de prier, avaient peur de déclarer leur islam, ils étaient persécutés, torturés. Et là, le prophète disait à ses compagnons, vous savez que vous allez posséder ce qu'il y a en dessous les pieds de comment, Kisra wa Qaisar, le roi d'Abyss, le roi de Perse, le roi romain. Vous imaginez, les gens ont peur de dire que je suis musulman, ont peur de faire la prière. Même chez eux, à la maison, il leur dit que ne vous inquiétez pas, vous allez posséder donc, le monde entier. La Perse avait la moitié du monde, les Romains avaient l'autre moitié du monde, et il leur a dit, le prophète, ça aime cela. Vous voyez la foi et la confiance. Lorsqu'il était dans la grotte, pourchassé par les mécréants de la Mecque, lorsqu'il a fait l'émigration avec Abou Bakr Siddiq, Abou Bakr Siddiq, il a vu que les mécréants étaient juste aux abords de la grotte. Il avait peur. Le prophète alayhi salam lui a dit « La tahzan, inna Allaha ma'ana. Ma baluka fi thnayni, Allahu thalithuhuma. » Que penses-tu de deux personnes, Allah est le troisième avec eux? Une certitude, une confiance, même si au premier abord on aurait pu dire que... Mais cette confiance, cet attachement à Allah Azza wa Jal, cette fermeté, voyez comment cela est apparu sur lui, alayhi salatu wasalam. Donc ainsi doit être le croyant. Et c'est ça, c'est un parmi les enseignements de ce nom que nous devons avoir en Allah Azza wa Jal. Même si les choses ne vont pas en ton sens, patiente. Et confiance en Allah Azza wa Jal. Demeure sur le chemin de celui qui cherche et espère et fait des causes. Et sois confiant, la finalité sera à ton profit, bi'idhnillahi jalla wa'ala. Huitièmement, bien le huitième fruit ou bien le huitième aspect parmi les aspects de l'adoration d'Allah Azza wa Jal à travers ce noble nom, la foi en ce noble nom qui est Al-Latif, et que tu attendes toujours et sans cesse les bienfaits, le soulagement, la facilité des affaires, la transformation des épreuves en faveur et la venue rapide et expresse de l'aisance après la difficulté. Et regarde et vois l'état du noble, fils du noble, père du noble, Yaqub alayhi salam. Lorsqu'il dit à ses enfants, « Mes enfants, partez vous enquérir de Joseph et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. » En effet, mes frères en Allah, croire en Allah Azza wa Jal, croire en tout ce qu'on connaît de lui, tout ce qu'il nous a enseigné de lui, et parmi ceux-là, croire en son nom Al-Latif, le subtil bienfaiteur. Quand tu crois en cela, tu dois certes avoir une bonne pensée de lui. Et aussi, surtout, cette bonne pensée doit se traduire par un fait, par une concrétisation. Tu dois attendre. Tu attends et tu espères. Et tu es à l'affût, aux aguets, de quand va venir les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi. Que tu attendes toujours et sans cesse les bienfaits. Le soulagement, la facilité des affaires, la transformation des épreuves en faveur. Naam. Allah Azza wa Jal est subtil. Il se peut qu'il te fait passer, il te fait vivre des épreuves pour que la finalité finisse par des faveurs. Alors tu es dans une épreuve. Dis-toi, Inch'Allah, il y aura la faveur. Tu es éprouvé. Fa'inna ma'al usri yusra. Après la difficulté, il y a certes une facilité. Après la difficulté, il y a certes une facilité. Donc tu dois attendre cette facilité. Une fois que tu vis une difficulté, dis-toi, Allah a promis, et personne mieux qu'Allah ne tient sa promesse. Allah a promis qu'après la difficulté, il y aura une facilité. J'aurai une facilité. Tu attends, tu espères. Vous vous rappelez ce que nous avons cité concernant Cheikh Abdelrahman Saadi, concernant la pluie, la prière de demande de pluie. Avant qu'il ne prie, lorsqu'on annonçait que le lendemain on va prier la prière de demande de pluie, il faisait quoi, rahimahullah? Cheikh Saadi, il montait dans les habitations, dans sa maison ou à la mosquée, il dégageait les regards. Et les gens lui disaient, nous on est en sécheresse et toi tu dégages le regard, elle est où la pluie? Il leur a dit, il leur disait, ne savez-vous pas que demain on va faire la prière de demande de pluie? Pour lui, demain il y a prière, donc Inch'Allah, il y aura pluie. Et pour qu'il y ait la pluie, il faut se préparer pour éviter les inondations et le mal. Subhanallah. On pense et on espère que ce cheikh, rahimahullah, avait cette foi ferme et sincère et dure, enracinée en lui. L'espoir en Allah, on s'est bien fait. Donc ainsi doit être le croyant encore et toujours. Et comme exemple, Allah Azza wa Jal sait que nous, êtres humains, nous aimons les exemples. Nous aimons avoir une personne qui a passé des événements comme nous et qui a eu un comportement le plus adéquat et qui a eu les finalités que nous, on espère pour nous. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a cité les histoires des prophètes et des messagers dans le Coran et des pieux aussi, et même des pervers et des mécréants. Car le but était et de prendre des enseignements de tout cela. Allah Azza wa Jalla nous a cité l'histoire de Yusuf alayhi salam. Et vous savez que précédemment, on parlait de cette histoire de l'angle de vue de Yusuf alayhi salam, un enfant qui n'a rien fait de mal, qui a subi ce qu'il a subi. Et pendant des années, il était éprouvé. Vous connaissez l'histoire. Mais il ne faut pas oublier l'angle de vue de son père. Prophète, personne sage, une bonne personne, qui avait un enfant qu'il aimait plus que les autres, qu'il aimait particulièrement. Car Allah Azza wa Jalla a mis en lui certains critères, certains aspects qu'on ne peut pas ignorés et à travers lesquels on ne peut pas accorder une importance particulière à cet enfant. Yusuf alayhi salam. Il perdit cet enfant alors qu'il était encore enfant. Il était petit. Et il l'a perdu sans avoir la moindre trace. Aucune information. Il ne pouvait savoir s'il était vivant ou s'il était mort. S'il a été égorgé, tué, si le loup l'a dévoré ou une autre bête, il ne savait pas. Dans quelles circonstances était-il ? Était-il chez des bonnes personnes, chez des mauvaises ? Était-il devenu esclave ou un simple bédouin ou autre ? Était-il devenu un bon ou un mauvais croyant ? Mais il n'avait aucune information. Et pendant ce temps, vous connaissez l'histoire de Yusuf alayhi salam. Donc il a passé des années, jusqu'à ce qu'il devint un notable en Égypte qui gérait l'économie du pays. Et à ce moment, il y a eu l'histoire avec ses frères qui sont venus, après il leur a demandé de ramener leur père, après ils sont revenus de ramener leur frère, après ils sont revenus, ils ont ramené leur frère, après Yusuf alayhi salam, il a gardé son frère avec lui, et les autres, ils sont repartis chez leur père pour se plaindre et leur dire « c'est pas notre faute ». Et là, leur père leur a dit quoi ? Dans combien d'années ? Imaginez un enfant qui maintenant est gérant et administrateur de l'économie d'un pays. Il n'avait pas 15 ans. Il n'avait pas 20 ans à l'époque. Forcément, il avait un certain âge. Combien ? Allahu a'lam. Mais il y a des années et des années qui sont passées. Yaqub alayhi salam, pendant tout ce temps, vous savez que il était pris de tristesse, de douleur. Il n'a point cessé de pleurer son fils. Et vous savez bien qu'il a même perdu la vue tellement il a pleuré, alayhi salatu salam. Et il n'a jamais perdu espoir. Dès qu'il y avait une occasion, un semblant d'occasion, ou peut-être il était pris d'espoir. Là, lorsqu'il envoya une dernière fois ses enfants en Égypte, il leur dit « Mes enfants, partez-vous enquérir de Joseph, de Youssef et de son frère. » Ça veut dire « Allez là-bas et on ne sait jamais, regardez, demandez, soyez vigilants. » Mais on fait quoi ? Il avait espoir. Donc faites les causes. Tahassassou, essayez de voir peut-être que peut-être que vous demandez, peut-être que vous regardez, peut-être qu'il va vous ressembler physiquement, peut-être, je ne sais pas. faites quand même l'Écosse. Après combien d'années ? Des années, des années. Il a perdu espoir ? Non. Allah Azza wa Jal a anéanti son espoir ? Certes non. Il a fini par lui accorder ce qu'il espérait. Et il a retrouvé son fils dans les meilleures des conditions. Ses enfants qui, à une époque, avaient mal agi, Allah les a guidés. Et il devint bien guidé, pieux et respectueux. Ils regrettèrent amèrement ce qu'ils ont fait à Youssef alayhi salam. Et celui qui se repent de son péché est comme celui qui n'a pas péché. Et ils ont encore demandé à leur père, Istaghfir lana. Ô notre père, invoque Allah Azza wa Jal pour qu'il nous pardonne. Donc ses enfants qui ont fauté, là, ils sont sur le droit chemin. Son fils qu'il avait perdu, il est sur le droit chemin. Et en plus, il est noble dans le grand pays qui est l'Égypte. Et mieux que cela, il était prophète d'Allah Azza wa Jal. Toutes les choses sont réunies. Peut-être Allahu A'lam, bien au-dessus de ce qu'il espérait, alayhi salam. Qui peut imaginer que ses fils deviennent des prophètes ? 11, 12 ! Des prophètes ou bien des personnes bien guidées. Qui pourrait espérer ça ? Allah Azza wa Jalla lui a accordé beaucoup plus. On peut espérer ou penser qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé beaucoup plus que ce qu'il espérait. Et ceci est digne de notre Seigneur Subhanahu Azza wa Jalla. Et Allah Azza wa Jalla est plus sage et plus savant. Le 9e point, parmi les points de l'adoration d'Allah Azza wa Jalla à travers ce nom, ou bien parmi les fruits que doit avoir le musulman en croyant en ce nom et en mettant en pratique ce qu'il croit en ce nom, c'est que tu aies mon frère en Allah Azza wa Jalla comme règle de vie ce qui suit. Premièrement, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Deuxièmement, et je confie mon affaire à Allah. Troisièmement, dis, rien ne nous atteindra sauf ce qu'Allah a écrit pour nous. Il est notre protecteur et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Quatrièmement, le bien réside dans ce qu'Allah a choisi. Donc ça, c'est quatre fondements, quatre principes, quatre enseignements, quatre bases de vie que doit avoir le croyant qui croit en ce nom d'Allah Azza wa Jalla al-Latif et de ce qui en découle. Le premier fondement, le premier principe, bien sûr, vous avez remarqué que ce n'est pratiquement que des versets. Les trois premiers, c'est des versets. Le premier principe, c'est « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous et Allah sait tandis que vous ne savez pas. » Il se peut que ce que tu aimes, mon frère en Allah, non, il se peut que ce que tu détestes, ce que tu n'aimes pas, la maladie, la pauvreté, les problèmes, la solitude, le fait de ne pas te marier, le fait de ne pas avoir suffisamment d'argent, le fait que les gens ne t'aiment pas, ne te respectent pas, le fait que tu n'arrives pas à trouver une stabilité, le fait, tout ce que tu détestes. Il se peut que ça, ce que tu détestes et ce que tu vis de ce que tu détestes, il se peut que toi, tu le détestes, mais ton bien réside dans cela. Rappelez-vous, Allah gère et administre les choses. Rappelez-vous qu'Allah est subtil. Il se peut qu'il te fasse passer par des difficultés pour que ceci se clôture par un bienfait. Et quel bienfait ! Donc, il se peut que vous détestiez quelque chose et Allah en fasse le bien, votre bien. Et vice-versa, il se peut que vous aimiez quelque chose, vous aimiez la beauté physique, une femme qui est belle avec un beau corps, ou un homme qui est beau avec un beau corps, ou avec de l'argent, ou une renommée. Ah oui, c'est un tel, il est connu dans la ville. Ou un tel, il est connu, c'est ceci, c'est cela. Il se peut que vous aimiez cette apparence. Il se peut que vous aimiez l'argent, avoir un compte rempli, avoir deux ou trois comptes avec une grosse carte bancaire, avoir les voitures, avoir des sociétés. Il se peut que vous aimiez cela. et que en vrai, en fin de compte, cette chose soit un mal pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Tu ne sais pas, toi, l'argent que tu vas gagner, ces millions que tu espères. Est-ce que tu sais, est-ce que ça sera vraiment un bien pour toi ou un mal pour toi? Combien de personnes ont eu de l'argent et ont fait des choses avec l'argent? Je connais une personne qui était très proche, rahimahullah. Il avait une maison en bled, il avait besoin d'argent, il a voulu la vendre. Un proche de lui lui dit, t'inquiète, je te la vends. Il lui a vendu l'argent. Une villa, c'était une carcasse qui coûtait un bon billet en Algérie à l'époque. La personne, le beau-frère, le mari de sa sœur, a vendu, a pris l'argent et l'a gardé. Taqillah, crains Allah, qu'est-ce que tu fais et tout, rien à faire. Il a pris, il a utilisé dans ses affaires, ça y est, j'ai utilisé ton argent, je ne peux pas te le rendre maintenant. Mais je t'ai missionné juste pour me vendre ma maison et me rendre l'argent. Le choc a été la cause pour que cette personne ait quelque chose dans sa tête. Un caillou de sang, chose comme ça. Et que ça a fini par lui ôter la vie. Et il est passé par des épreuves. Il était éprouvé, il a fait une opération au niveau de sa tête. Il a même perdu l'usage de la parole. Il ne pouvait plus. Et ça, il trouve pas comment dire un téléphone. Il connaît ce qu'un téléphone. Un verre d'eau, il dit, voilà l'eau. Il veut te dire, donne-moi l'eau. Il cherche comment dire, donne-moi l'eau. Il ne pouvait plus. C'est un frère pieux, mashallah. Donc, cette maison, cette vente, gagner des milliards en Algérie et tout, ça a fini par ce que je viens de vous décrire très, très succinctement. Donc, tu ne sais pas, il est où ton bien. Et tu ne sais pas, il est où ton mal. Peut-être le fait d'être licencié d'un travail qui est un mal en apparence, peut-être que ça peut être une porte ouverte pour un meilleur travail. Et vice-versa, peut-être être accepté dans un poste. Ah oui, tu deviens le comptable de la société Intel. Donc, imagine que tu vas gagner un bon billet, tu auras des primes et tout. Mais il se peut que ceci soit un mal pour toi. Toi, tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Ne cherche pas à savoir comment. Tu ne peux pas savoir. Parce que c'est le ghaïb, c'est l'invisible. C'est qui sait ça? C'est Allah et uniquement Allah. Voilà pourquoi on fait la prière de consultation. Et dans la prière de consultation, elle consiste à quoi la prière de consultation? Malheureusement, il y a beaucoup de gens, ils sont tiraillés, ils ne savent pas trop. Les gens, nous tous, hein, on veut cette chose. Et on dit, attention, il faut se rappeler qu'il faut faire la prière de consultation. Et tu fais la prière de consultation, mais toi, tu as une seule et unique voix. Je veux ça. Mais si tu fais attention à cette invocation de consultation, il est dit quoi? Allahumma, oh Allah, in kunta ta'lamu, si tu savais, si toi, oh Allah, tu savais, parce que moi, je ne sais pas. Si tu savais, law kunta ta'lamu anna hadha al-amr, que cette chose, cette affaire, dont je te consulte, dont je te demande de choisir pour moi, si tu savais que dans cette affaire, que cette affaire était un bien pour moi, donc toi, tu ne peux pas savoir. Si tu savais que cette affaire était un bien pour moi, attention, un bien dans ma religion. Parce que si ce n'est pas un bien pour ta religion, donc c'est forcément un mal. Quitte à ce que ce soit un bien dans ta dunya. Voilà pourquoi le premier élément cité, la première condition, si tu sais, et Allah sait, si tu sais que cette chose est un bien pour moi dans ma religion, mais Allah est bon. Allah sait que nous sommes faibles, nous avons besoin de notre dunya. Alors il nous l'a accordé. Oh Allah, si tu sais que cette chose est un bien pour moi dans ma religion et dans ma vie ici-bas. Ne vous inquiétez pas. Notre religion, ce n'est pas une religion de dureté, de privation. Non. c'est une religion de juste milieu. Tu as été créé pour adorer Allah, mais tu as une dunya dans laquelle tu dois vivre. Voilà, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais voyez les priorités. Si tu sais que cette chose est un bien pour moi dans ma religion, et dans ma vie ici-bas, et dans ce qui m'attend dans l'au-delà, subhanallah. Ça veut dire dans ce qui m'attend auprès de toi, ya Allah. Si cette chose, elle peut faire que tu sois en colère contre moi, si cette chose peut faire que je récolte des séyyiat, ou bien je serai voué à l'enfer, voilà l'au-delà. C'est l'au-delà, si c'est un bien pour moi dans l'au-delà. Donc, pour ma religion, pour ma vie ici-bas, et pour l'au-delà, faqdurhuli, décrète-le-moi, prédestine-le-moi. Faqdurhuli, wayassirhuli, et facilite-le-moi. Summa bariklifi, et mets la bénédiction dans cette chose. Si tu savais, uniquement si tu savais, oh Allah, qu'il y avait ce bien-là. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ, et si tu savais que cette chose, cette affaire, était un mal pour moi, dans ma religion, en tout premier, encore et toujours, dans ma vie ici-bas, et dans l'au-delà. Alors, فَبَاعِدْهُ عَنِّي, écarte-le de moi, et وَبَاعِدْنِي عَنْهُ, et écarte-moi de lui. وَقْدُرْ لِلْخَيْرَ حَيْثُ كَانْ, et subhanallah, c'est très subtil, et destine-moi le bien là où il était. Moi, je l'ai cherché dans cette affaire. Si mon bien n'est pas dans cette affaire, prédestine-moi le bien là où il est. Là où il est. Tu veux te marier avec une telle. Si ce n'est pas ton bien, Allah, prédestine-moi le bien, quel qu'il soit. Avec une autre, une telle, ou avec personne. Parce que peut-être Allah sait que ton bien à toi, c'est de ne pas être avec personne. Pourquoi Allah sait et toi tu ignores? Tu ne sauras jamais, mais lui, il l'a toujours su. Alors il t'a demandé lui de choisir pour toi. Donc, وَقْدُرْ لِلْخَيْرَ حَيْثُ كَانْ, et prédestine-moi le bien là où il est. Mais il ne suffit pas d'avoir la prédestinée. Il faut l'accepter. Voilà pourquoi l'invocation a été clôturée en disant ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ, ensuite, fais que j'agrée ta destinée. Fais que j'agrée ce que tu m'as prédestiné. Que ce soit une autre femme, ou longtemps plus tard, après 10 ans, après 20 ans, ou personne, je meurs célibataire ou je meurs mahlish. Fais juste que mon cœur soit apaisé, qu'il accepte ton décret, ô Allah. Deuxièmement, donc là, le premier élément, c'est que tu ne sais pas, il se peut que vous détestiez une chose et que votre bien soit dans cette chose, et il se peut que vous aimiez une chose alors que votre mal est dans cette chose, et Allah sait et vous ne savez pas. Deuxièmement, je confie mon affaire à Allah. Si telle est la situation, si les choses sont comme on vient de décrire, il se peut que ce qu'on aime soit mal pour nous. Il se peut que ce qu'on n'aime pas soit bien pour nous. Nous, on ne sait pas et on fait comment? Que faire? Je vais demander à Allah de me donner le risque, alors peut-être le risque, c'est mal pour moi. Je vais demander à Allah de m'accorder la santé, alors que peut-être la santé, c'est mal pour moi. Je vais demander à Allah de me permettre de voyager dans tel pays, à Médine, ou bien peut-être c'est un mal pour moi. Je ne sais pas. Alors, je fais quoi? J'invoque, j'invoque pas, je demande pas. Que demande? Que dois-je demander? وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. Tu laisses tes affaires entre les mains d'Allah. Vis ta vie comme t'as recommandé ton Seigneur. Suis le chemin d'Allah Azza wa Jal. Suis les prescriptions d'Allah Azza wa Jal. Vis ta vie. Et tes affaires, ce que tu espères, ce que tu veux, ce qui est dans le présent et le futur, laisse-le entre les mains d'Allah. Il laisse Allah gérer. Et bien sûr, il faut accepter. Troisièmement, et dit, rien ne nous atteindra sauf ce qu'Allah a écrit pour nous. Il est notre protecteur et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Tout ce qui arrive sur terre, c'est prédestiné par Allah. Comme je vous ai dit, avant qu'Allah Azzawajal ne crée les cieux et la terre, il a créé la plume et la tablette préservée. Il m'a dit, écris. Écris toutes choses. votre présence actuellement. Et ceux qui voulaient venir et qui n'ont pas pu venir, et ceux qui ne voulaient pas venir et qui sont finis par venir. L'assise, vos pensées, même ce que vous imaginez dans votre tête, le lien que vous faites avec ce que je dis, avec ce que vous avez vécu, ou ce que vous espérez, ou ce que vous avez lu ou entendu. Peut-être que certains parmi vous sont distraits par d'autres choses. Toutes choses, tout a été écrit avant qu'Allah Azza wa Jal ne crée les cieux et les terres. De 50 000 ans. Khlas, la plume est levée et les feuillets sont séchés, khlas, et l'encre a séché. C'est destiné, ça va arriver. Que dois-tu faire? Donc, alors je fais quoi? Je ferme les yeux, je croise les bras et j'attends? Non. Juste place ta confiance en Allah. Suis le cours de ta vie et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Place ton affaire entre les mains d'Allah Azza wa Jal et espère le bien de lui. Donc, tout ça pour dire, si tu veux le risque, si tu veux le mariage, si tu veux avoir des enfants, si tu veux la guérison, ne va pas faire ce qu'Allah n'aime pas et n'agrée pas. Ne va pas voir les devins, ne va pas voir les sorciers, ne va pas voir ceux qui écrivent, ne va pas voir ceux qui vont te parler de la bonne aventure, ne va pas voir les gens qui parient dans le loto, ne va pas voir une banque pour demander un prêt bancaire avec intérêt pour être riche, pour faire une affaire, pour gagner de l'argent, pour avoir une maison, pour être tranquille. Ne fais pas ce qu'Allah n'aime pas et n'agrée pas. Ne fais pas ce qui ne va pas te donner, sauf ce que Allah t'a prédestiné. Ce qui est prédestiné t'arrivera même si tu restes sur ton lit. Et ce qui n'est pas prédestiné, tu ne l'auras pas même si tu remues mains et pieds, tout ce que tu veux. Tu n'arriveras pas à la chose. Et tu ne consommeras dans ta vie que ce qui t'a été prédestiné. N'y a-t-il pas des gens qui meurent alors dans leur compte bancaire, il y a tant et tant d'argent? Ont-ils profité de cet argent? Sont-ils habillés de cet argent en achetant des vêtements ou des voitures? Est-ce qu'ils l'ont consommé en boisson, en nourriture, en voyage? Il est dans leur compte. C'est qui va en profiter? Les héritiers. Donc ça veut dire que même s'ils ont gagné cet argent, ils l'ont gagné, certes, mais ont-ils joui de cet argent? Non. Et même, regarde-toi, combien de fois tu as mis des choses dans ta bouche? Dans ta bouche, ça y est, c'est entre tes lèvres, dans tes dents, ou voire même plus que ça, à l'intérieur de ta bouche. Et qu'ensuite, cette chose tombe de ta bouche. Ça ne vous est jamais arrivé. Un bonbon tombe de ta bouche, un bout de pain tombe de ta bouche. Tu prends un verre d'une certaine boisson, et subhanallah, tu ne sais pas comment ça tombe d'entre tes mains. Des fois, le verre, il se casse. Subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Le mauvais œil, taba'a, le djinn. Cette boisson n'était pas destinée pour que tu la boives. Des fois même, on avale, c'est dans notre bouche, après, boum, tu manges de travers, tu avales de travers, et tu tousses et tu rejettes tout. Et ça veut dire que cette lourma, ce bout de nourriture que tu as mis entre tes dents, ce n'était pas destiné que tu le consommeras, et tu ne vas pas le consommer, mon frère. Cela veut dire quoi? Que tu ne consommeras, que tu ne jouiras que de ce qui t'a été prédestiné. Alors demande-le par le halal. Ça ne sert à rien de le demander par le haram. Parce que tu vas le demander par le haram, tu l'aurais eu sans haram. Sauf qu'en choisissant le haram, tu auras les péchés. Et que cette chose que tu as eue, peut-être qu'il n'y aura pas la bénédiction dans cela. Donc, ne te touchera, ne t'atteindra que ce qu'Allah t'a déjà prédestiné. Alors place ta confiance en lui, repose-toi en lui. Encore une fois, vous savez bien que se reposer sur Allah, cela veut dire mettre son affaire entre les mains d'Allah et aussi faire les causes. Le dernier élément de ces points, c'est que le bien réside dans ce qu'Allah a choisi. Et ça, c'est vraiment si on arrive à ce stade, mes frères en Allah. Si on arrive à cette croyance, cette certitude, cette foi, cette conviction. vraiment, vraiment, on aura une paisibilité, une aisance, un apaisement du cœur inimaginable. Vous voyez maintenant, subhanallah, on veut acheter une voiture, on va sur le bon coin, on veut acheter une chaussure, on va sur le bon coin ou autre. On va sur, je vais acheter cette chaussure, elle est bien, elle est belle, c'est celle que je voulais, j'ai cherché, ça fait 2 ans, je la cherche, je la trouve. Et tu appelles et dis ça y est, c'est vendu. Ah non, mince. Je la voulais, je pensais. Le bien n'est peut-être pas dans cela. Et le bien réside dans ce qu'Allah a choisi pour toi. Tu vois ce qu'Allah a choisi pour toi, ce que tu vis actuellement, aujourd'hui, ou cette période, ce que tu vis. Que ce soit doué d'une saveur ou que ce soit amer. Que ce soit triste ou joyeux, que ce soit bien ou mal. Allah a choisi pour toi. Donc forcément et certes, c'est un bien pour toi. Oh, je suis malade et c'est un bien pour moi. Oui, tu es malade et c'est un bien pour toi. Peut-être que si tu n'étais pas malade, peut-être que tu aurais la force avec laquelle tu aurais fait des péchés. Peut-être que cette maladie-là, c'est une purification pour toi. Peut-être que Allah veut t'élever en degré yawm al-qiyama. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal veuille que tu sortes de cette dunya alors que tu n'as pas un péché sur ton dos. Peut-être. Allah sait et toi tu ne sais pas. Et Allah agit avec science, sagesse et miséricorde. Et confiance. Tu vois, quand tu as confiance en une personne dans ce bas monde, tes parents, ton père, ta mère, ton mari, ta femme, dis, fais ça, aie confiance en moi. Fais ce choix et confiance et tu vas voir. Tu fais, tu es apaisé. Et Inch'Allah, il se peut que tu arrives à une bonne finalité. Mieux que ces personnes sur ce bas monde-là. Allah Azza wa Jal, le Seigneur démontre. Tu te dis, tu sais, tu connais ces principes-là, ces fondements. Qui mieux que lui peut gérer ma vie? Wallahi, même pas toi, wallahi, même pas ta mère. Même pas ton fils, même pas tous les gens de ce bas monde qui t'aiment, qui réunissent tous leur amour. Ils ne géreront pas ta vie comme Allah Azza wa Jalla gère ta vie. Alors, tu gagnes, alhamdoulilah, Allah a voulu. Et tu fais attention à rester sur les clous. Tu perds, allez, c'est Allah qui a voulu. Non, si tu n'as pas fait ce qu'il fallait, donc t'en prends à toi. Mais si tu as fait ce qu'il fallait faire, et Allah n'a pas accordé le fruit, al-khayr fi martalahu Allah. Le bien réside dans ce qu'Allah a choisi pour moi. Tu fais des efforts pour avoir plus d'argent, pour vivre mieux, toi, ta famille, faire du bien, faire la umrah, acheter des livres, apprendre, aider les gens. Tu fais, tu n'arrives pas. Al-khayr fi martalahu Allah, malish. Allah a choisi, certes, le bien réside dans ce qu'Allah a choisi pour moi. Tu tombes malade ou... Alhamdoulilah, Allah a voulu. Tu as tout ce que tu vis, tout ce que tu subis, dis-toi que le bien réside dans ce qu'Allah a choisi pour toi. Al-khayru fi makhtarahu Allah. Et ainsi, wallahi, tu n'auras pas ce qu'on appelle nous at-tama. Comment on dit en français? L'attachement à vide. Non, ce n'est pas l'avarice. Ça, c'est là-dedans. At-tama, c'est un attachement à vide. Ah, moi, je veux l'argent. Je veux réussir. Je veux. Ça, c'est un tama. Tu espères quelque chose, Laurent? Non. Tu n'auras pas ça. Et ce tama, c'est ça qui nous fait mal en vrai. C'est ça qui nous fait souffrir. On veut toujours plus, encore mieux. Et, ah oui, là, t'as vu, là, subhanallah, avant, c'est à l'école, c'est moi qui lui ai montré comment écrire, et maintenant il est directeur, et moi, je suis employé chez lui. Un tel avant, dans le quartier, je frappais des claques. Maintenant, lui, il a une voiture, et moi, j'ai même pas un vélo. Ça, c'est parce que tu... T'as cette envie à vide, cet attachement à vide des choses. Ah, tu as cherché ChatGPT, toi. Mais si tu sais que le bien réside dans ce qu'Allah a choisi pour toi, directeur, simple employé, tu travailles, on te sort de ton travail, on te fait des problèmes, on te déclare là où il ne faut pas qu'on te déclare, mais tu es déclaré, les gens parlent de toi. Ah oui, attention lui, attention eux. Allez, Allah a voulu comme ça. Les gens disent du bien de toi, du mal de toi, les gens manigancent contre toi. Allez, Allah a voulu, Allah a décidé. Il y a forcément un bien. J'ai confiance en lui, je laisse mes affaires entre ses mains, il fait comme il veut. Et bien sûr, je ne peux pas faire autrement. Mais accepter, agréer, le cœur sera léger, l'esprit sera léger aussi. Et c'est ainsi, même les gens, si vous demandez, les gens, les anciens, surtout ceux qui vivaient dans les montagnes, ceux qui vivaient dans les petits villages, les petits villages et tout, ils avaient quoi? Ils n'avaient rien. Une ksara, un pain fait maison, un peu d'huile, voilà des petits fruits, des petits légumes cultivés dans leur potager et tout. Ils vivaient avec ça, et ils étaient heureux, ils étaient bien. Parce qu'ils n'avaient pas cette cupidité, ils n'étaient pas attachés à ce que les gens ont. Alhamdoulillah. Donc si toi, ô croyant, tu vis avec ce principe, mon bien réside dans ce qu'Allah a choisi pour moi, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, tu enlèveras des poids et des poids et des poids de sur ton cœur. Qu'Allah Azzawajal nous accorde ses bienfaits. Donc le dernier point, c'est un point assez essentiel, qui est le fait que tu n'oublies jamais que la subtile bienfaisance particulière d'Allah est réservée à ses serviteurs pieux. Si tu ne fais pas partie d'eux, alors ne te berce pas d'illusions. Il se peut qu'une épreuve qui t'atteint soit une punition ou un rappel pour toi. Alors, fais attention et ne dis pas, c'est une subtile bienfaisance d'Allah envers moi. Je suis sur le bien, donc je dois rester sur cela. Alors qu'en réalité des choses, tu es dans un mauvais état. Donc tu diras, je suis patient face au décret d'Allah. Non. Là, nous avons dit que la subtilité, les subtils bienfaits d'Allah, peuvent te parvenir par des épreuves. Mais les épreuves, c'est une chose qui est générale et globale, qui dépend de la science d'Allah, de la sagesse d'Allah. Donc cette épreuve que tu subis, en vrai, tu ne sais pas que représente-t-elle. Et si jamais tu n'es pas sur le droit chemin, ne va pas te bercer d'illusions. Tu dis, subhanallah, tu vois, Allah même, il y a des gens qui disent ça, Allah même, tu vois, c'est vrai que je prie pas, mais j'ai un cœur pur. Regarde, Allah me donne l'argent alors que je ne cherche même pas. L'argent me vient, afflue sur moi. Regarde, je prie pas, mais je ne mets pas le hijab pour une femme, mais j'ai un cœur pur, j'aime Allah dans mon cœur. Et il m'aime, la preuve étant, il me facilite dans toute ma vie. Alors que peut-être dans sa vie, il y a des choses mauvaises. Donc, si tu n'es pas sur le droit chemin, si tu n'es pas sur la guidée, si tu n'es pas dans la piété, ne pense pas que les épreuves que tu vis soient un bien pour toi. Parce que peut-être que ces épreuves soient des rappels pour toi, un châtiment. Tu sens le châtiment d'Allah, tu es censé sentir le châtiment d'Allah. Sentir le rappel, alors ah, subhanallah, fais attention. J'ai problème après problème après problème après problème, c'est peut-être une alerte. C'est ce qui est voulu. Mais toi, si tu te berces d'illusions, non, c'est un subtil bienfait d'Allah sur moi. Je suis bien comme je suis. Et je dois juste patienter face au décret d'Allah. Donc tu vas à contresens. Si tu n'es pas sur le droit chemin. Donc, comme je vous ai dit, et j'appuie sur cela, il y a des gens qui le disent. Ils disent la foi, c'est dans le cœur. Et ce n'est pas nécessaire que je prie parce que moi, j'ai un cœur pur, moi, je fais le bien. Ils disent, j'ai jamais tué personne, jamais brûlé de mosquée, jamais fait de mal à personne. Je travaille, je paye mes impôts, je suis gentil. Et de ce fait, il considère que tout ce qu'il vit en bien ou en mal, c'est un bien pour lui. Alors que parmi les stratagèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que les personnes mal et mauvaises, il peut leur octroyer des bienfaits si Allah sait de leur état que leur cœur est scellé, ou bien s'il a scellé leur cœur, il se peut qu'il leur donne une multitude de bienfaits. Comme ça, ils font plus de méfaits, de mauvaises actions. Comme ça, le jour, il les prendra d'une prise lourde et difficile et très douloureuse. En finalité, mon frère, oh Allah Azza wa Jal, ne te berce pas d'illusions. Espère le bienvenant d'Allah. Et remets-toi encore et toujours en cause. J'ai perdu, j'ai subi une chose négative en apparence. Quel est le message à travers cela? Et ça, c'est une question qui revient souvent. Comment savoir si l'épreuve que je vis est un bien pour moi ou bien un châtiment pour moi? En vrai, tu ne peux pas savoir. Parce que ça, c'est l'affaire d'Allah. Ce qui peut t'aider un minimum, c'est de voir comment tu es. Comment tu es face à ton Seigneur. Face à ton Seigneur. Est-ce que tu es sur le droit chemin ou est-ce que tu es sur des chemins déviants? Si tu es dans des chemins déviants, classe, la réponse est claire. Ça ne peut pas être un bienfait pour toi. Mais si tu es sur le droit chemin, tu espères parce que le musulman a toujours peur. Il a espoir, mais il a la crainte. Donc tu espères que c'est un bien pour toi et tu te repens de tes péchés, tu fais attention à tes obligations, tu te remets en question, tu revois, espérant le bienvenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec cela, nous aurons clôturé, inshallah azza wa jal, ce que Allah nous a permis de réunir concernant ce noble nom et merveilleux nom d'Allah azza wa jal, Al-Latif. Et bien sûr, avec votre participation, vos encouragements, votre présence et votre attention, qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le meilleur de ce qu'il peut vous accorder, ainsi qu'à nous tous, et qu'il fasse que ce que nous avons dit ou entendu soit un bien pour nous dans ce bas monde et dans l'au-delà, et qu'il mette en nous la foi, la bonne, et celle qui est utile et profitable pour chacun. هذا والله أعلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Et je ne peux que de m'excuser auprès de mes frères de la longueur de ce cours et de vous avoir fait subir cette parole étalée. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense grandement. Arqueda, il y a pas de questions actuellement. Toi, je regarde pas de ton côté, toi tu me fais peur. J'ai commencé par lui. Je reviens vers toi. C'est quoi la quatrième point? Le quatrième point, c'était que le bien réside dans ce qu'Allah a choisi. Moi, j'ai pas cinquième. C'est donc... D'accord. N'oublie jamais que la subtile bienfaisance particulière d'Allah est réservée à ses serviteurs pieux. Si tu n'en fais pas partie, alors ne te berce pas d'illusions. C'est bon. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك